La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. C'était Laya Habibi, un morceau de 1963, l'introduction de ce morceau. Les paroles sont de Abdel Fattah Mustafa, Kalimat Abdel Fattah Mustafa, la musique de Riyad Essoumbati, Alhan Riyad Essoumbati. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle émission La Malle de Sindbad. Marhaba bikoum fi barnamej Sundouq Sindbad. Alors Sébastien, comment travaille Kulthoum? Eh bien, l'œuvre d'Oum Kulthoum n'est jamais au repos. L'artiste est, si vous le voulez, une adepte de la révision permanente. 20 fois sur le métier. La gestation d'une chanson dure une année environ. La première étape, réside dans le choix du texte et sa réécriture. Qu'il existe, par exemple, exhumé d'une anthologie, ou qu'il soit une création originale. Quand cette trame est achevée, elle est transmise au musicien responsable de l'habiller. Et à la vérité, c'est une lourde tâche qui lui incombe. Oum Kulthoum épuise plumes et cordes, imposant de longues séances de travail au cours desquelles elle fourbit avec acharnement ses armes. Alors seulement peut commencer le travail avec le tart, son ensemble instrumental. Les répétitions s'enchaînent et chaque détail de la partition se voit discuté, évalué, validé ou modifié. Quand la machine est enfin réglée, il est temps de passer au studio. Ce rituel, et je vous rappelle, la gestation va durer une année environ, ce rituel est parfaitement rodé à partir des années 50. Pas une nouveauté ne paraît en concert avant d'avoir été minutieusement préparé, enregistré et annoncé par voie de presse. Promotion oblige. Nous vous proposons à présent un nouveau morceau. Il s'agit du début d'une très célèbre chanson, Les Sables Hudoud, qui date de 1964. Les paroles sont de Abdel Wahab Mohamed, Kalimat Abdel Wahab Mohamed. La musique est de Mohamed El Maougi, Alhan Mohamed El Maougi. Et vous écouterez bien cette espèce de litanie qui ne cesse de revenir. Matsabarnish bi wa'oud wa kalam ma'soul wa'ouhoud. Ne me fais pas languir avec tes promesses, tes paroles de miel et tes serments. Bonne écoute. زمان على نار

ou découvre une voie jusque-là inexplorée. À ces charnières s'ajoutent les ornementations, les aharif, comme dans Anafintizarek, avec lequel nous nous quittons aujourd'hui. Anafintizarek est un morceau de 1943, Kalimat, Bayram Tounsi, les paroles sont de Bayram Tounsi, Alhan Zakaria Ahmad, la musique est de Zakaria Ahmad. C'est effectivement un crochet, une entorse au déroulé chronologique, mais ainsi nous pourrons entendre une demi-heure d'interrogation. Je voulais savoir si tu n'es pas fâché, Radban, ou que ton cœur n'est pas occupé par la pensée d'une autre, une scène. Nous vous disons au revoir et à la prochaine fois. Ma'a salama. للصبر حدود يا حبيبي. صبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان وهي غلطة ومش حتعود ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود أهي غلطة إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت عن ظلمك لكن كل ذا كان له تأثير والقرب يا سا وراني القرب يا سا وراني وراني انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا thank you. واديتلك وقت اديتلك وقت تفكر اكتر من مرة عتبتك واديتلك وقت اديتلك وقت تفكر اكتر من مرة عتبتك واديتلك وقت اديتلك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك انما كان غدرك اكبر اكبر من طيبة قلبي اكبر من طولة بالي اكبر من وديت لك وقت